The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous! Et c'est le moment de s'installer ensemble dans la bulle. Aujourd'hui, on voyage avec notre invité Tof Blanc. Tof Blanc, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bah ça va, très bien. Ok, super. Alors Tof Blanc, bah, je te présente, mais je pense que je n'ai plus vraiment besoin de le faire. Tu es devenu un abonné, un habitué des studios de Radio Gamozo. Tu es artiste, peintre, sculpteur, clown, jongleur, etc., etc. Eh ben bravo. Hein, ouais. Et merci beaucoup à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors c'est tu cool. viens nous parler de quelque chose de bien précis. Tu viens de finir un petit peu l'installation de tes structures en vélo, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour le cyclotourisme. D'accord. Qui aura lieu du 5 au 12 août sur Épinal. D'accord. Et sur la communauté d'agglomération d'Épinal, parce que je crois qu'ils vont aller, ils ont des parcours qui font 80 km de boucle. Ah oui. Ah ouais, il y a une grosse structure. Ils attendent, je crois, 12 000 ou 15 000 personnes. Ah oui, d'accord, voilà. Quand même. Mmh. Ok. Donc, ce projet, il n'a pas été lancé au hasard. Il a été lancé justement pour cet événement-là en particulier. Voilà, vraiment que pour cet événement, en fait. Alors, à quelle initiative ce projet, le projet est-il né? Alors, en fait, c'est un petit peu, tout petit peu compliqué. C'est qu'à la base, c'est Hervé Poirat, le président des commerçants d'épicentre d'Épinal, qui m'avait demandé de lui proposer, de lui faire un devis pour des sculptures pour mettre dans Épinal. D'accord, voilà. Ok. Mais il en voulait beaucoup, il en voulait 20. D'accord. Et donc, du coup, le budget était un peu élevé. D'accord. Alors, il m'a dit, écoute, on n'a pas l'argent. Donc, du coup, il s'est retourné, il a été voir la mairie. Et la mairie s'est rapprochée de la communauté d'agglomération d'Épinal. D'accord. Qui, eux, ont accepté le projet. Oui. Donc, du coup, c'est eux les financeurs maintenant. Ok. Ils n'ont pas fait crédit du coup, c'est bon. Ouais, ouais. Ouf. Voilà. Et donc du coup, le projet a pu se mettre en place et D'accord. j'ai pu travailler sur les sculptures. Okay. En fait, j'avais déjà commencé parce que j'ai commencé à faire des premières sculptures au mois d'août. Oui. Et même n'en ayant pas les réponses, j'avais continué à faire des sculptures. Ah, tu avais été optimiste ouais. et tu avais lancé tes pensées qui sont retournées favorablement vers toi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est chouette. Tu as l'habitude de travailler avec justement les communes pour des structures ou d'autres choses en particulier? Non, c'est la première fois. D'accord. Voilà. Je pense que ce qui les a peut-être aussi motivés, c'est de me connaître un petit peu aussi. Ouais. Ça fait une paire d'années que je fais quand même pas mal de choses. Et mon projet Casbarolec avec les casseroles de l'année dernière, qui était quand même assez gigantesque. Et oui. Donc du coup, je pense que ça a dû aider. D'accord, donc ce projet-là, c'était vraiment toi qui l'avais mis en place tout seul avec les casseroles? Oui, la casse-barolec, c'était vraiment personnel, en fait. D'accord, voilà. Ok. Donc cette fois-ci, c'est une structure avec des vélos. Tu avais lancé un appel il y a quelques mois maintenant, parce que tu dis que ça fait déjà un an que tu travailles sur ce projet. Ouais. Donc tu as rassemblé des vélos que tu as trouvés, qu'on t'a donné. Comment ça se passe? Alors, on a eu un petit peu de vélos du grand public. Ouais. Voilà. Et j'ai eu un partenariat avec Cicovad. Ah d'accord, voilà. Ok. Donc toutes les déchetteries d'Épinal, de Saint-Amé, ouais. non, Saint-Nabor, ouais. voilà. Golbey, il y a eu aussi un peu Dompère, il y a eu un peu Darnay. D'accord. Voilà, donc ils ont joué le jeu, ils m'appelaient chaque fois qu'ils avaient des vélos en stock. Ah oh, bah ça c'est J'ai sympa. Dû en récolter entre 700 et 800 à peu près. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai pas tout à fait calculé, mais voilà, grosso modo, je pense que c'est ce que j'ai eu. D'accord. Donc il y a des gens qui jettent leur vélo à déchetterie. Oh, c'est phénoménal. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Ben, quand ils sont foutus, alors c'était des vélos qui étaient foutus. Hein. Ouais. Oui, tu étais sûr qu'il ne pouvait pas être réparé, du coup, c'est pour ça que tu t'en servais ? Oui, voilà. Et les vélos qui étaient réparés, souvent, c'est une association, l'AMI, qui les récupère, ou il y a d'autres associations aussi sur Épinal qui récupèrent et qui les refont et tout. D'accord, ok. Il y a l'AMI aussi, l'association l'AMI, qui m'a, ils ont un atelier de vélos. Donc, eux, j'ai eu plein de vélos aussi de leur part et des pièces. D'accord. Qu'on peut retrouver sur une sculpture qui se trouve au parc du château, qui s'appelle le récupérateur. D'accord. Voilà. Alors, chaque structure a un nom ? Presque. Waouh. Pas toutes. Ah bah alors, combien il y a de structures déjà ? Ah oui, alors parce qu'à la base, on était parti sur 20 de sculptures. Ouais. Ça, c'est ce que la communauté de communes m'avait commandé. Ouais. Et en fait, j'en ai fait 36. D'accord. Voilà. Je crois que j'ai pas su m'arrêter. D'accord. Je remercie monsieur Charmy qui m'a prêté un local de 100-150 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et puis après, comme les vélos arrivaient, que j'étais dedans et je travaillais non-stop. Ah bah oui, j'imagine. Matin, midi et soir. Et du coup, j'en ai fait. D'accord. Alors c'est sûr que sur les 36, il y a des petites sculptures qui ont été plus rapides à travailler. D'accord. Mais peu importe, j'étais lancé. Donc, c'était grandiose. Ah bah pour moi, oui. C'était un projet où j'en sors seulement, là, maintenant. Oui, On vient seulement de mettre l'avant-dernière sculpture en place. Tu t'es éclaté pour ce projet ? Oui, vraiment. C'était vraiment... c'est comme un gamin dans un grand champ de foire. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Alors, le vélo, on l'a bien compris, c'est pas parce que il va y avoir cet événement du cyclotourisme, c'est ça. T'aurais pu faire à base d'autres choses ou vraiment c'est eux qui voulaient que ce soit des vélos ? Non, c'était vraiment une demande. À la base, c'était vraiment Hervé Poirat m'avait demandé qu'avec des vélos. D'accord. Voilà. Après, j'aurais pu incorporer des choses dedans. Il n'y a pas de problème. Celle qui est sur le rond-point du centre des congrès d'Épinal, c'est un matelas. D'accord. C'est un sommier, en fait, où il y a encore les ressorts. D'accord, dedans. Ok. Voilà. Agrémenté avec des vélos. D'accord, ok. Voilà. D'abord, okay. Si on regarde bien, ça fait un peu une tête et il a une couronne. Parce qu'à la base, il devait être mis au parc du château. Oui. Et du coup, il y a eu des petits changements de dernière minute. Eh bien, dis donc. Alors, combien de temps tu as mis entre cette première idée du projet et la finalisation ? Tu nous disais un an tout à l'heure ? Oui, juillet. Wow. Parce qu'en fait, Hervé Poirat m'a demandé de venir en juillet. On a fait la tour de la ville d'Épinal pour trouver le nombre de... Et là, je viens de finir. Donc, je mets la dernière au centre des congrès où sera rassemblé tous les vélos. C'est là, je crois, qu'ils auront les petits déjeuners, les repas. D'accord. Pour les cyclotourismes. Ok, d'accord. Voilà. Et je mets la dernière le 24. Eh bien, dis donc, quel projet. Est-ce qu'il est venu voir de temps en temps ce que tu faisais ou alors ils t'ont laissé carte blanche ? Alors, j'ai eu la chance, c'est qu'ils m'ont laissé carte blanche, voilà. Donc, en fait, la communauté de communes m'a vraiment fait confiance parce qu'elle a vu les sculptures il y a un mois, au début juillet, quand on les a commencé à les mettre en place. D'accord, ah oui, d'accord. Donc, ils t'ont vraiment fait confiance, là. Oui, ouais, sur ce coup-là, je les remercie vraiment, voilà. Ben, c'est sympa, en même temps, c'est mieux. Ouais, non, c'était vraiment bien. Et puis, je crois que je fonctionne un peu comme ça. Donc, du coup, mon énergie a dû mettre aussi une bulle autour de moi pour que je puisse fonctionner avec un champ vraiment libre. Donc, tu parlais de ton local qui a été prêté. Il se trouvait sur Épinal, ce local ? Tu pouvais travailler ? Oui, il se trouvait pas très loin de la tour qu'ils ont rénovée, la grande tour à Saint-Laurent. D'accord. Voilà, c'était juste en dessous. Okay. Les pierres étaient tombées dans mon local. Ah bah c'est sympa ça. Ah oui, à une semaine près, j'étais dedans, donc c'était cool. Ah d'accord, vous auriez pu faire avec des pierres les sculptures, mais ça aurait pas donné la même chose. Ouais, on a eu 2-3 tuiles de cassées. Et comme dans le local, il n'y avait pas d'eau, ça tombait bien. J'avais de l'eau courante, j'ai mis une bassine en dessous, donc tout tombait vraiment bien. Teuf Blanc et son optimiste sans faille, ça c'est chouette quand même. Ah ouais, ça, ouais. Et je m'aperçois que le fait d'être optimiste, en plus, sur ce projet-là, m'a apporté vraiment plein de choses, plein de bonheur. Ouais. Pourquoi ? Parce que les choses se sont placées vraiment comme il fallait. Ouais. Vraiment. Alors, c'est vrai que j'ai mon côté artistique où des fois, j'ai l'impression de ne pas penser à quelque chose au niveau artistique. Mais le fait d'être positif m'emmène dans des endroits où quand je finis les choses, même quand c'est négatif, je me dis « Ah, bah oui, c'est parce que j'y avais pas pensé, moi, à ça. » Et les choses m'emmènent dans cet endroit-là, même si c'est négatif. D'accord. Et ça, c'est magique, en fait. Ça, ça aide mon côté artistique. D'accord. Tu as toujours été optimiste comme ça ? Non. Non, je le travaille depuis une vingtaine d'années maintenant. D'accord, ok. Ouais. Bon. Bah, tu devrais donner des cours. Bah, je donne des cours. Voilà. C'est assez discret parce que les gens ne le savent pas trop. D'accord. C'est souvent les amis autour de moi, mais je donne des cours de temps en temps. Je donne 2-3 conseils. Tu ne fais pas le yoga du rire, quelque chose comme ça là ? Si, j'ai fait du yoga du rire. Bah, avec une école, avec le... Comment ça s'appelle ? Ils viennent faire une émission ici. L'IME, ouais, de Saint-Amé. Mais oui. Voilà. Eh oui, forcément. Eh bien, écoute, avant d'en savoir plus sur toutes tes structures en vélo que tu as donc fabriquées, conçues, réalisées d'un point de vue artistique et plein d'autres points de vue, j'imagine, et bientôt maintenant fini d'installer, on va se lancer dans une première bulle de son avec le son à bicyclette, mais il est remixé ce son. J'ai voulu donner un petit trait d'originalité pour toi, Tof Blanc. Alors, ce sera à bicyclette de Hip Hop Booster et on se retrouve juste après. Cool. Trois Français qui ont alors 1 minute 15 secondes d'avance sur le peloton. Tous représentent les grandes formations françaises. Ils sont là les uns pour contrôler la course, les autres pour essayer, qui sait, de se croyer le premier maillot jaune. Yeah, hey, check ça. La bicyclette, mais pas vraiment les pédales. J'déambule dans les dédales, fais des backflips sur les dos d'âne. J'aime zigzaguer, voir les flics aux aguets. Car quand j'roule dans Paname, j'suis accompagné par Ricard. J'aime pas quand y'a du monde sur la route, toute la boue. Quand j'suis seul pour traverser Paris de bout en bout. Quand on partait de bon matin, y'avait JR, y'avait Firmin. À bicyclette façon Barry, y'a beaucoup moins de barres atteint. Car j'suis un pilote insupportable, j'utilise mon portable. Saccage les pays, bas des dérapages et j'fais des ravages. Quand j'suis dans un bad trip, un tour de bicyclette. Et j'reviens à moi-même, ouais, telle est ma botte secrète. J'aime les grosses descentes, les sensations. Forte. Je crains personne légale, à bord j'attends qu'elle m'emporte. C'est un voyage trois plages, je t'emmène sur ma triplette. Pour moi jamais rien ne remplacera ma bicyclette. Reporter et bicyclette à remorque sont au prix dans le championnat des transports utilitaires à pédales. Spécialiste en action scénique, garçon des villes, j'ai retourné génération, mais là je cherche une station vélique. Tous mes pailles sont fébriles, tout le clan sous hache, mon crew, l'entourage, maintenant t'es dit. Impossible de voir mon crew sans vélo, chou sans vélo qui crouse en vélo, cherchant tout le temps des lots. Soirée piscine tard, beach tard, les vigiles noires ont des fourrailles, puis on fly sur la piste cyclable. J'kick du grand art, tu veux vivre longtemps, touche pas ma mif, mon genre arcéphale sur du Yves Montand. Avant d'être dans le réseau, d'être le phénomène, négro j'roulais dans ma ville, avec mon vélo vert, j'avais pas besoin des bourses et des mailles. Le rap c'est comme la ride, pour avancer faut pousser les dalpes. Get la on, roule la zèbre, la son. Qu'on fonce dans le mur avec la vitesse de Lance Armstrong. Deux routes se touchent et le château de cartes s'éteint. Alors nous avons découvert que le métier de coureur était un métier dangereux. C'est vrai. Tu me la coupes douce à vélo. Je glisse comme en pédalo, comme toujours à l'amour. Car dans ma gourde mes pattes de l'eau. J'ai comme le mal de mer après la peur au Morito. Je pédale à l'envers pour vestir le comico. Je prends de la vitesse, faut pas que les dilos me testent. À cause de la vitesse, je crois que la parano me cherche. J'ai mal aux fesses, j'ai besoin d'une escalope. Je te monte sur ma bicyclette si tu veux test, salope. Allez viens on s'envole, je suis Elliot Kitty. En roue arrière, on décolle, je descends jusqu'à Tahiti. On atterrit dans les contrées magnifiques, porté et bercé par le rythme de la musique. Moi et mon pote de R, on prend tous les itinéraires. Pis en tête à la conquête de l'univers. Au compteur un 4 km. À bicyclette. Alors si on vous demande justement d'utiliser prochainement la bicyclette, qu'est-ce que vous ferez ? Moi je le ferai. Très agréable. Mais comme vous portez, je vois, une mini-jupe, est-ce que ce sera pas gênant pour vous ? Non, parce que c'est une jupe culotte. Ah, ça c'est une bicyclette. Que pensez-vous de ce projet ? Je trouve que c'est assez marrant parce que, vous vous rendez compte, remplacer les voitures par les bicyclettes, en plus de ça, les mini-jupes, très intéressant pour nous. On est toujours sur Radio Guémozo dans la bulle avec aujourd'hui Tof Blanc de son nom d'artiste qui nous parle eh bien, de ces structures qui viennent d'être terminées, d'être installées, en tout cas moins une quoi, presque fini d'installer là. Alors dis-nous en plus sur ces structures, donc il y en a beaucoup, où est-ce qu'elles vont se trouver ? Alors en fait, il y en a un bon paquet. Donc du coup, bah, il y en a une à Golbey. D'accord. Alors, j'en ai mis deux à la Rotonde, devant la Rotonde. D'accord. Place Padoue, il y en a deux. Oui. Dont une, je suis allé faire sur place, qui n'était pas prévue non plus. C'est juste une que j'ai rajoutée en plus. D'accord. Parce que j'ai sympathisé avec le maire de Padoue et je lui ai dit, bah, j'arrête d'en mettre une, il me reste des vélos. Ah, c'est chouette. Voilà, donc je me suis fait un petit délire à 6h du matin, un dimanche, et je suis allé l'installer. D'accord. Après, il y en a deux à Dogneville. Oui. Voilà, elles sont sur les entrées. Et il y en a une qui est là où il y a les avions. D'accord, sur l'aérodrome. Il y en a deux à Vincey. Oui. Donc sur les entrées de Vincey. Elle est superbe, il y en a une que j'adore beaucoup à Vincey, c'est une espèce de sphère là, avec des roues. Ouais. Ah, c'est chouette. Voilà, c'est une boule. On va en retrouver une autre aussi. Elle se trouve sur le rond-point de Chavelot. D'accord. Et elle est peinte en bleu. D'accord. Je l'ai appelée œuf de dragon. D'accord. Après, on en a deux à Certigny. Oui. On a à Certigny, quand vous arrivez d'Épinal, il y a un gros bouquet de fleurs avec des roues de vélo. Ouais. Voilà. Après, j'en ai trois à Bas-les-Bains, dont une sur le rond-point, une à l'entrée de la poste, et puis un cœur que je viens de finir, que je viens d'aller installer hier, oui. Voilà, qui lui est sur le chemin dans le centre-ville. Okay. Après, on en a sur les ronds-points. Alors ça, je suis assez fier, parce que pour un artiste, mettre des sculptures sur des ronds-points, c'est quand même... Ouais, c'est sympa. Quand même. Ah bah ouais, moi, j'aime bien. Oh bah oui, tu m'étonnes. Alors en fait, vous pouvez en trouver une à Route de Gérardmer, à Domièvre, Chavelot, Bois-l'Abbé, et puis voilà, c'est tout. Mais t'en as fait de la route pour installer toutes ces structures? Oui, et ben, je vais en profiter pour remercier les gars de la communauté de communes d'agglomération d'Épinal. D'accord. Ils m'ont filé un coup de main et vraiment, c'était super sympa. Ah bah oui, tu m'étonnes. Puis bon, ils sont super équipés, donc... Ça s'est passé nickel. Ouais, franchement, c'était génial. Alors, il y en a d'autres encore? Oui, et il y a encore Épinal. Ouais, bah oui, et là, Épinal, je vous les laisserai vous les découvrir en allant vous balader à Épinal, parce qu'il y en a un peu plus d'une dizaine. Ouais. Et j'ai rajouté aussi des vélos qui ont été installés sur les barrières. D'accord. Voilà, ça, c'était un petit plus que Hervé Poirat m'avait demandé. D'accord. Et puis, il y en a une au centre des congrès. Que je vais installer le 24. D'accord, ok. Elles ont toutes des formes particulières, ces structures? Ah oui, il n'y en a que deux qui se ressemblent. Bah, en fait, j'en ai quatre qui se ressemblent, donc deux rondes, celles que tu as vues là. Ouais. Et puis deux qui sont très affinées, elles sont faites qu'avec des chambres à air. D'accord. Voilà, ça donne un peu comme une dame, une danseuse. Parce que tu n'as pas utilisé tout le temps le vélo en entier, tu as utilisé parfois que les roues ou quelques pièces. Sur une sculpture, il n'y a que des guidons en haut et le bas, c'est avec des chambres à air. Ouais. Sur celle qui va être mise au centre des congrès, c'est fait qu'avec des pneus. D'accord. Voilà, là, c'est que le pneu. Après, il y a eu les jantes. Oui. Voilà. Après, il y a eu le vélo complet en entier. Oui. Mais souvent, sur toutes les structures, c'est rare qu'on voie des vélos et des roues. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai démonté toutes les roues. D'accord. Pour pouvoir faire des structures de roues à part. Ok. Ouais. Il y en a même qui ont des formes de bonhomme. Hein, laquelle? À moins que ce soit moi qui interprète mal la photo, mais Place Pinault, je vois... Ah oui. Alors, ah oui, Toff Blanc, il se rappelle même plus de ses structures. T'es sûr que c'est toi qui les as faites? Ouais, c'est moi. Tu nous mens. D'accord. D'abord, ils vont partir, là, mes ouvriers. En fait, oui, c'est quatre danseurs. D'accord. Quatre groupes de deux danseurs. Ok. Et ça, c'est un petit clin d'œil à une danseuse qui vient faire aussi de temps en temps ici, c'est Anne Marion, qui est ma prof de danse. D'accord. Voilà, et en fait, c'était vraiment pour lui donner un petit clin d'œil. Et là, c'est fait avec, en fait, des palettes. Oui. Et des roues de vélo. D'accord. Et le mouvement que l'on voit, c'est des roues que j'ai tordues, en fait. D'accord. Voilà. On vient quand même d'apprendre une info. Toff Blanc fait de la danse. danse. Ouais. C'est sympa. Ah oui, que je fais de la danse ? Ouais, j'en ai pas fait les dernières parce que j'ai un petit problème de santé. Aïe. Mais sinon, oui, ça fait 4 ans que je fais de la danse avec Anne Marion. D'accord. Eh ben, écoute, t'as toutes les casquettes, toi. Non, là, je prends des cours, là. Ah. C'est pas moi qui donne. Oui, mais c'est sympa quand même. Ah oui. Ah, puis Anne Marion est phénoménale en tant que danseuse. C'est Anne Marion, te salue. Ouais. Le groupe aussi de danseurs d'art contemporain, c'est vraiment... Bah, tu m'étonnes. Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour construire tout ça ? Est-ce que tu as eu tout de suite l'idée de ce que tu allais faire comme structure ? Non. Non, bah là, on va prendre l'exemple, parce que je l'ai bien en tête, l'exemple des danseurs. En fait, j'ai fait des personnages. Donc, j'ai coupé des morceaux de bois, j'ai mis une roue de vélo pour la tête. Oui. Voilà. Et je les ai peintes en orange, le haut, et en vert, le bas. D'accord. Et j'ai été mettre ça chez mes parents. Ok. C'était fait ça au mois d'août, voilà, en me disant, j'ai plus qu'à faire un socle, mais je ne savais pas si j'allais les mettre l'un à côté de l'autre, ou tous dans le... mais je savais que ça allait être quand même un groupe. D'accord. Voilà, ça a resté septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis en janvier, je suis allé les rechercher chez mes parents. Et là, tilt, je suis parti sur les danseurs. D'accord. En fait. Voilà. Des fois, il faut laisser de côté un petit peu les choses pour que ça mûrisse. Oui, et c'est ce que je parlais il y a 2 jours avec une artiste qui écrit. Et elle me disait que c'était la même chose. Des fois, au bout d'un an, elle relit son livre. Script, et là, elle s'aperçoit que elle va changer plein de choses. Et elle sent que c'est fini, en fait. D'accord. Moi, le seul petit problème que j'avais, c'est que quand je fabriquais une sculpture, bah, il fallait presque fallait que je l'emmène sur sa finalité. D'accord. Parce que j'avais un temps court quand même. Ouais. Hein, le mois d'août arrive très vite. Et vraiment, cette sculpture-là, j'ai pu la stocker et la reprendre après. Il y en a une autre aussi qui a une histoire complètement... Allez, vas-y, dis-nous. Voilà. Hervé Poirat m'avait dit, moi, je veux de la couleur. J'ai dit, ouais, pas de problème, il y aura de la couleur. Et j'ai fait une sculpture d'une certaine couleur. D'accord. Que j'ai stockée chez mes parents. Elle était finie. Et quand j'ai pris toutes les photos de toutes mes sculptures pour les montrer à la communauté de communes, j'ai oublié de la prendre en photo. Aïe. Donc, je me suis retrouvé il y a un mois de ça. Je me dis, celle-là, elle n'est pas dans le compte. Donc, j'ai dit, je la laisserai sur Épinal, parce qu'il y en avait un peu moins pour Épinal. D'accord. Et le matin, je me suis levé, je suis allé la repeindre en orange. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour moi, elle n'était peut-être plus assez colorée ou je l'ai repeint en orange. Et elle est en face de apostrophe à Épinal. D'accord. Comme ça, il y a du changement au sein des sculptures. On aime bien. Dernier moment, hop. Ça passe à autre chose ou on repend. Mais je fais déjà ça avec mes tableaux, en fait. Oui. Ça m'arrive d'avoir un tableau pendant un an, de repeindre complètement, de garder peut-être que quelques morceaux. Et quand je le finis, je me dis, ah oui, c'est vraiment ça que je voulais mettre. Ah ouais. Voilà. Il faut un temps un petit peu de réflexion. J'ai même des tableaux que je repeins au bout de 2, 3, 4 ans. Et quand les gens le voient ou me l'achètent, ils me disent, ah, vraiment, ils nous parlaient. Comme si l'énergie que j'avais mis avant, elle s'était transformée, il y avait une autre qui s'était mise en plus, mais c'est le tout qui fait. Une mutation. Voilà. Donc je ne me donne pas de limite, en fait. Bah, t'as bien raison, voilà. Ça c'est sûr. Mais je ne me donne pas de limite sur Terre, en fait. Quand on t'a parlé de structure en vélo, est-ce que tu as tout de suite été inspiré ? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que s'il y a une quinzaine d'années, même peut-être plus maintenant, j'avais déjà fait une vingtaine de sculptures de vélo. D'accord. Beaucoup plus petites, parce que celles-là, elles font toutes pratiquement 3 mètres de haut. Ah oui. En général, elles sont toutes entre 3 mètres et 2 mètres. Et il y en a même une longue qui, elle, fait 4 mètres de long. D'accord. Mais j'habitais à Château-Salins et j'avais déjà, pour le Tour de France, j'avais déjà fait une vingtaine de sculptures. D'accord. Mais rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon recul. Oui. Je pense qu'elles étaient moins abouties, artistiquement travaillées. Mais en même temps, tu as changé en tant qu'artiste aussi depuis. Oui, voilà. Et on me l'avait refusé. Aïe. Voilà. Bon, c'est une belle revanche, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est vraiment un beau clin d'œil de la vie. C'est vraiment une maturité artistique qui est arrivée et un projet qui peut être, où je peux dire, je suis artiste. Ouais. Quand tu as commencé, tu l'as fait un petit peu intuitivement. Tu t'es dit, tiens, je vais faire ça comme ça. Tu as fait des plans Non, je ne fais pas de plans. Donc, Hervé Poirat a eu un peu peur au début parce qu'il ne savait pas où j'allais. Ouais. Donc, j'en avais fait une Un premier qui se trouve à Bas-les-Bains. D'accord. Qui est avec un pied de vigne, parce que j'ai de la vigne chez mes parents. Ok. Hein, parce que je fais du vin aussi. D'accord, bah dis donc. Et du coup, j'étais parti en lui disant, voilà un peu ce que je vais faire. Ça va être à peu près dans cet ordre-là. Oui. Mais après, je ne savais pas du tout où j'allais. D'accord. C'est, je prends les objets, je les assemble. Des fois, ils tombent, ils cassent. Aïe. Je les rassemble d'une autre façon et ça redonne autre chose. Voilà. Le côté optimiste, toujours. Ouais, je ne fais pas de plan, parce que j'ai un peu de... je ne sais pas faire ça, par contre. Je ne saurais pas faire un croquis et puis après le suivre. Est-ce que ton côté artiste n'a pas eu un petit peu peur de justement présenter des sculptures avec la communauté de communes voilà, peut-être un petit peu un cadre qui t'aurait fait peur, non ? Non, mais j'ai travaillé beaucoup sur mon trac. En fait, pendant pratiquement une année, j'ai fait un travail sur moi pour garder confiance. T'avais peur que ça plaise pas ? Ouais. Oh. Ah ben, je savais pas. Hein. Je veux dire, comme ils sont pas venus, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc il fallait souvent que je me remette en question et souvent que je me parle à moi-même en me disant c'est bon, continue, fais et tout. Bon, j'ai eu quand même quelques amis qui sont venus me donner c'est ça, un coup de main. C'est ça, j'allais te demander. Donc je remercie, j'en profite pour remercier Carole, hein, qui est venue me donner souvent un coup de main. Je vais remercier aussi Maureen, ma fille, Tatiana aussi. D'accord. Ma fille aussi, ouais. Et d'autres personnes qui sont venues, d'autres enfants cachés, Patrice non. aussi, et puis le mari de Carole qui est venu me donner un coup de main à peindre. D'accord. Et qui m'ont donné un petit retour quand ils voyaient mes sculptures. Ça voilà. C'est bien, donc il y a des gens qui ont participé avec toi pour l'élaboration. Oui. Ah oui, qui sont venus me filer un coup de main pour la peinture. Ça, voilà. C'est sympa. Ouais, ça, c'est sympa. Bah, ma fille, là, dernièrement, pour la sculpture qu'on a mis, on en parlera après la pause musicale, oui. Sur les compressions. D'accord. Donc, c'est ma fille qui est venue la peindre avec moi. Ok. Ouais, on a fait ça vendredi dernier. Comment ça se passe quand tu assembles une structure comme celle-ci ? Tu t'y prends comment pour faire tenir tout ça ? Les compressions ? Non. Ah, les autres ? Ouais. Bah, les autres, elles sont... Alors, on va commencer par visser. Sangler avec de la ficelle ou des riselants ou souder. D'accord. Voilà, il y a les trois en même temps. Ok. Ou des fils de fer, voilà. Alors c'est sûr que ce n'est pas des sculptures qui tiendront dans 10-20 ans. Voilà. Combien de temps elles vont rester justement ? Bah, comme moi, elles sont éphémères. Je pense on les tous. Oui, mais moi plus que les autres. Ah bon ? Mais non. Combien de temps elles vont rester exposées ces structures ? Alors là, précisément déjà jusqu'au 1er septembre. Oui. Voilà. Et puis à partir du 1er septembre ou fin septembre, parce que je ne sais plus trop ce qu'ils m'ont dit à la communauté de communes d'agglomération. D'accord. Elles seront mises sur la voie verte. Ok. Voilà. Donc elles vont durer, elles vont rester, oui. Elles vont. Alors je le pense temps... que là maintenant que tout le projet est mis en place, je pense qu'il y a une ou deux sculptures qui dans le transport ont eu un petit souci. Je pense qu'elles vont avoir du mal à être mises, mais bon, c'est. D'accord. On verra. Il y en a une dont j'ai en tête. Oui. Je dirai rien. Je verrai ça à la fin. Voilà, c'est ça. Alors eh ben on va se lancer dans notre prochaine bulle de son avec une chanson de Benabar s'intitulant tout simplement Vélo. Ouais. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. OK. Dans le parc des Buttes-Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement, encouragé par son père et par sa maman. Il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe. Il retombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide. Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça falle. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien, mais ça soulage. Sermon des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tanguer se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, la sonnette, bah il dégage. Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les caps des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozou. Vous êtes bien dans la bulle aujourd'hui. Voyage avec Tof Blanc dans le monde merveilleux du vélo. Non, je rigole. Ouais. Je rigole. Tu nous proposes de très très belles sculptures. Vous pourrez d'ailleurs en avoir un aperçu bien sûr par exemple ta page Facebook, ouais, Christophe Grange. Mmh. Où voilà, il y a plein de photos de ce qui est proposé. Mais je vous invite quand même à aller voir directement sur place parce que je pense que ça vaut le coup d'œil hein, ouais. Visuellement. Moi, je passe souvent devant. Je pense souvent à toi. Du coup, avec toutes ces sculptures, aux endroits où tu nous as indiqué tout à l'heure, on peut se balader sur Épinal et autres, et puis rencontrer l'une de tes sculptures. Laquelle tu préfères ? Non, je les aime toutes. Mais par contre, celle qui est au port. Ouais. Donc ça, c'est une compression. Ah oui, alors vas-y, dis-nous. Alors voilà, donc je voudrais vous parler un petit peu des compressions. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à César. Ouais. Donc en fait, c'est les 20 ans de la mort de César cette année. D'accord. Alors, là, César. Maintenant, oui. Qui est César ? Alors César, c'est un artiste qui habitait sur Paris. D'accord. Et qui a eu l'idée d'aller dans une casse et de prendre une compression de voiture. D'accord. Et d'en faire une sculpture. Ouais. Donc lui, il la prenait brute, il la peignait et c'est devenu une sculpture. D'accord. En fait. C'était un peu polémique à son époque. Ah bon ? Et puis après, comme les artistes, des fois, ils ne sont pas reconnus tout de suite. Ouais. Hein. Et puis après, il a forcé, puis il a été vraiment reconnu. Et maintenant, on parle des Césars qui sont remis en trophée au cinéma. D'accord. C'est aussi des petits Césars qui sont fabriqués par César, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, moi, je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir faire une petite compression, parce que les compressions, j'adore ça. Ouais. J'en ai une petite que j'ai faite chez moi. Avec des canettes de coca, de bière, de choses comme ça. Et là, à l'occasion, je me suis dit, je vais pouvoir faire une grosse compression. Donc, je suis allé voir Derichebourg Environnement à Chavelot. D'accord. À Chavelot, à Golbey, qui est la casse et qui récupère tous les métaux, la ferraille. Mmh. Et je leur ai demandé si je pouvais venir faire des compressions chez eux. Et ils m'ont dit avec grand plaisir. Ils n'ont pas été trop étonnés de ta demande ? Non, ils me connaissent déjà, parce que je vais déjà fouiller un petit peu des fois dans leur tas pour trouver des morceaux de ferraille, puis ils me connaissent en tant qu'artiste. Ouais. Donc là, il m'a dit, ok, pas de problème, tu peux venir quand tu veux. Cool. Donc du coup, la première compression, donc, c'est celle qui est au port. Donc celle-là, on a mis 90 vélos, entre 80 et 90 vélos. D'accord. On a laissé les pneus, les chambres à air, les guidons, tout dedans. On l'a compressée, elle fait 680 kilos. Waouh. Et celle-là, elle a été stockée pendant un an à l'Intermarché de Golbey. Eh bien, dis donc. Et vendredi dernier, on l'a mis en place au port. Et avec ma fille Tatiana, on l'a peinte directement à la bombe. Sur place. Voilà, sur place. Ouais. On peut voir un peu, j'ai mis des photos de comment était l'organisation. D'accord. Combien de temps ça met à faire ça, une compression ? Alors, c'est très, très rapide. Hein. Alors, c'est rapide et c'est magique pour moi. Hein, parce qu'en plus, j'avais la chance, ils m'avaient autorisé à aller au-dessus de la machine. Ah. Bon, ils n'ont pas le droit, hein, sécurité, c'était... Mais bon, je crois que pour Tof Blanc, on refuse rien, c'est bien. Et c'était vraiment un moment de bonheur pour moi. Parce que, en fait, les vélos, ils les mettent dans une grosse presse. Donc ça prend pas longtemps, je veux dire, en un quart d'heure, elle est pressée, compressée. D'accord. Et ça ressort un cube. Et la personne qui gérait la presse, rouvrait la presse, me demandait de venir au-dessus de la presse. Donc, sécurité, bien sûr, le casque et tout, les gants, normal, le gilet jaune. Et là, c'est moi qui lui disais, non, plus compressé ou moins. Alors, ils peuvent pas moins, mais ils peuvent plus encore. D'accord. Et donc, il refermait sa machine, il recompressait et j'allais revoir et je disais, ok, c'est bon, on la sortait. On l'a mis sur la voiture et puis j'étais là stocké. D'accord, ça tient tout de suite ça, une fois que c'est compressé. Et après ça tient. Ça bouge plus en fait, la ferraille est tellement emmêlée que les vélos ne peuvent plus bouger. Et du coup, t'en as fait combien des compressions ? Alors du coup, après, je suis parti sur l'idée d'en faire un peu plus, donc j'en ai fait quatre autres. D'accord. Alors j'en ai fait une toute petite qui est Place des Vosges. Ouais. Donc celle-là, c'est un petit peu dommage parce que je crois que j'ai la photo où je la mettrai sur ma page. Mm-hmm. Parce que là, elle a été cassée avec la Coupe du Monde. Oh. Ouais, il y a des gens comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai été recouper une partie de la sculpture parce que c'était un peu dangereux pour le public. D'accord. Donc elle n'est pas très grande. Hein, elle fait peut-être 40 cm sur 60. Ouais. Voilà. Après, vous pouvez aller en trouver trois autres qui sont à côté du parcours canoë-kayak. D'accord. Épinal. Donc là, il y en a une dorée, qui est pareil, hein, c'est un petit cube. Ça, c'est que des vélos. Et vous en avez une autre un peu plus loin, qui est rouge. Et là, c'est des extincteurs et des vélos. D'accord. Voilà, c'est là que tu me demandais tout à l'heure si je prenais que ça. Ouais. En fait, j'avais récupéré un tas d'extincteurs. Ah bon ? Et je voulais en faire quelque chose. J'ai fait quelques sculptures avec, qui sont dans mon jardin. Et là, je voulais les compresser. Et la quatrième, qui est en fil, hein, où elles sont toutes l'une à côté de l'autre, elle est bleue. Et là, dedans, il y a des vélos et des bouteilles de gaz. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Je voulais compresser les bouteilles de gaz depuis très longtemps. Alors, je sais que c'est assez dangereux, hein, il faut les percer, il faut les vider. Ouais. Donc, j'avais fait ça dans les normes et ils me les ont compressés. Ah bah, dis donc, et là, j'ai réalisé un rêve que je voulais faire depuis très longtemps. C'est vrai, c'est chouette. Mais du coup, comment ça se passe après pour les transporter ? Ça doit être... C'est une galère. C'est une galère parce qu'il me l'avait mis, elle n'était pas au centre de ma palette. Donc après, c'était ma charrette et un tire-pal. Oh la vache. Et pas tout seul. Donc ça, je remercie Brian, Rachid, David, qui eux m'ont donné un coup de main toute l'année. Chaque fois que j'avais besoin de personnes pour pousser les sculptures, c'est eux qui venaient dans mon atelier et qui poussaient. Wow. Donc un petit clin d'œil aux personnes qui travaillaient au parc du château. Je les remercie. Eh ben oui, on leur tire notre chapeau à tous ceux qui t'ont filé un coup de main. Ouais, quand même. Ouais, franchement, j'ai des copains et des amis vraiment très, très solidaires. L'entraide, ça fait plaisir. Ouais. Quand tu les as peintes, il y avait une raison particulière pour les couleurs ou vraiment tu t'es laissé aller dans... Alors, la dorée, c'est un peu par rapport aux deux doigts de César, qui sont plutôt or. Ouais. Mais j'ai remarqué, là, je suis passé, la peinture a tendance à passer avec les UV. D'accord. Voilà. Bon. Après, rouge, non, c'est parce que Et puis le bleu, c'est vraiment un contraste. D'accord. C'est vraiment pour dire, il faut mettre une couleur. J'aurais eu aussi l'idée de faire venir un graffeur, mais là, j'ai pas eu le temps, mais ça aurait pu être sympa. Et celle qui est au port en rouge, je voulais vraiment quelque chose de vif là par contre. Je voulais un rouge un peu Ferrari. Oui. Parce que à côté de ça, je suis allé à Saint-Dié où là ils ont une petite presse. D'accord. Pour faire des petites sculptures. Ouais. Et parce que moi j'adore ça, les compressions. On a remarqué. Donc comme ma sœur m'a donné un coup de main aussi, Marie m'a donné un coup de main pour faire le projet. Ouais. Donc je lui ai fait une compression. Et j'ai un ami, pareil, très proche, qui me donne des coups de main pour pas mal de choses. Qui, pareil, j'en ai fait une aussi de compression. D'accord. Et en fait, je les ai faites rouges Ferrari. D'accord. Voilà, petit clin d'œil. Mais il faut juste savoir que les compressions, elles ont été faites avec les boîtes de peinture vides du projet vélo. D'accord. Parce que j'ai dû utiliser une centaine, peut-être plus de 100 boîtes de peinture. Eh bien, dis donc Parce que Sicovad m'avait autorisé aussi à récupérer toutes les vieilles peintures. Et donc, toutes les sculptures étaient peintes avant avec des mauvaises peintures, avec des fausses peintures. D'accord. Parce que quand on peint au pistolet comme là la bleue, en finale, eh ben, il va falloir au moins 3, 4 pots de peinture. Ah oui. Et ça fait tout de suite 400 euros. Ah oui, d'accord. Ça fait tout de suite des chiffres vraiment très trop forts. Ouais. Donc moi, je chargeais en peinture avant pour que le métal soit déjà bien recouvert. Et puis après, je passais une ou deux couches de peinture au pistolet. Et là, j'avais besoin de plus que d'un seul pot, c'était bien. Ouf, voilà. Bonne idée. Mais il m'en a fallu quand même pas mal parce que, voilà. D'accord, donc du coup, tu as tout compressé pour en faire une sculpture pour ton ami. Et alors, du coup, je gardais tous mes pots, voilà, et j'en ai compressé une pour ma sœur, compressé une pour Bernard, et puis j'en ai une pour moi. Oh, bah oui, tu m'étonnes. Ça va devenir ta nouvelle, ton nouveau truc, la compression ? Non, parce que c'est, on va dire, c'est César. Ouais. Et moi, c'est pas, je veux pas qu'on me compare à quelqu'un. Moi, ce qui me plaît, c'était de faire un petit clin d'œil et de pouvoir dire j'ai pu travailler comme César. Mais oui. Parce que aujourd'hui, si je voudrais être l'élève de César, ben je peux pas, il est mort. Bah mince alors. Donc je ne peux le faire que avec ma propre énergie, mais c'est avec son idée à lui. Bah oui. Par contre, mes sculptures que j'ai faites, les autres, bah, c'est ma façon à moi dont je travaille et j'aime faire ces choses qui représentent rien, qui sont plutôt dans le contemporain, dans l'abstrait en fait. Mais c'est très très joli. Ouais. En tout cas, voilà, c'est vraiment super sympa. Vous pourrez retrouver toutes ces sculptures à différents endroits. Et franchement, moi, je pense que je vais aller faire un tour cet après-midi. Hein, ça donne envie les photos. Ouais. On a envie de les voir de plus près. Est-ce que justement, toi, tu retournes les voir sur place de temps en temps pour voir comment elles se tiennent, comment ça se passe. Alors ouais, ça c'est, j'essaye de pas trop paniquer parce que j'ai toujours peur que quelqu'un renverse une, qu'il la casse et tout. Alors voilà, quand je passe, c'est plutôt pour voir si elle est en bonne place. D'accord. Voilà. Et puis je sors seulement de les avoir posées et je suis seulement en train de vider mon atelier parce que je dois le rendre à partir du 1er août. D'accord. Donc je suis dedans sans être dedans. D'accord. En même temps, chaque fois que je passe à un rond-point, je suis quand même fin heureux. Je me dis, je biche, je me dis, ouais, c'est cool quand même. Ça fait une belle finalité. C'est une certaine reconnaissance de mon art et de ma reconnaissance artistique. Du coup, ça te fait plaisir. Ouais, t'as bien raison. Plaisir. Alors, on va se lancer dans une troisième bulle de son avec cette fois-ci une chanson de Sangria Gratuite. Pour Elle Vélo Solex, voilà, donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après, Tom. Ok. El velo que anda solo, es comer la vida como una manzana. El pelo, pelo, solex, solex. El pelo que anda solo. El pelo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. El pelo, pelo, solex. El pelo que anda solo. El pelo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. El pelo, pelo, solex. El pelo que anda solo. El pelo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. El pelo, pelo, solex. El pelo que anda solo. El pelo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. Eh bien voilà, vélo Solex, c'était notre son pour se mettre dans l'ambiance. Hein. T'as bien aimé celui-là. Ouais, c'est sympa, t'as envie de danser. C'est ça. En même temps, c'est un petit peu la fête avec toi quand tu viens nous voir. Voilà, tu nous mets une dose de bonne humeur et ça fait quand même plaisir. Alors, il y a une sculpture que tu avais conçue, fabriquée, qui a eu un petit souci. Oui, alors en fait la sculpture que vous pouvez voir, qui maintenant se trouve sur le rond-point d'Omèvre à côté du Leclerc à Golbey, qui s'appelle Le Nid, et en fait la structure, il y a quatre côtés, et j'avais rempli deux vélos. D'accord. Et je les avais posés l'un au-dessus de l'autre, mais à plat. D'accord. Il y avait une 70 vélos à peu près, jusqu'en hauteur, ça faisait 3,20 m, 3,30 m. Et j'ai une amie qui est venue me donner un coup de main, une deuxième amie pour peindre, parce qu'il y avait vraiment plein de boulot là-dessus. Ouais. On l'a eu fini, tout, je l'ai passé au pistolet, elle était en violette, tout terminé, toute belle. J'avais mis l'inscription dessus. D'accord. Et je la sors du local, je l'emmène un petit peu plus loin, sur un petit chemin, et là elle se baigne. Aïe. Et là je la vois partir et je suis tout seul et je peux pas la récupérer. Ah ben non. Donc j'étais un peu énervé. Alors c'est vrai qu'on me voit souvent toujours joyeux, rigolo, toujours avec le sourire. Et là je crois que j'étais un peu énervé, je pétais les plombs. Donc je suis allé chercher une masse et je l'ai démonté à la masse, en colère, en criant dessus, en étant vraiment énervé. Ça m'a fait un bien fou, c'était un dimanche soir à 8h, elle était complètement démontée, il n'y avait plus rien, il ne restait plus que la structure, que j'ai refait avec les mêmes vélos, mais je l'ai allégée complètement, et c'est celle qu'on voit maintenant qui s'appelle Le Nid. D'accord, ok. Et suite à ça, le lendemain, j'ai trouvé une machine à laver, et je me suis dit que ça m'avait fait du bien de démonter la sculpture à la masse. J'ai dit, je vais démonter la machine à laver pour récupérer le tambour. D'accord. Parce que j'ai fait des sculptures avec les tambours. D'accord. Donc j'ai démonté la machine à laver à la masse, ça m'a fait un bien fou, génial. Et j'en ai trouvé une autre la semaine d'après, une autre. J'ai fait venir des amis. Et ils ont été enchantés de démonter la machine à laver à la masse. Ça les a défoulés, ça les a détendus. Donc à partir de là, je me suis dit, y a peut-être un petit truc à comprendre, à faire. Donc là, je vais me lancer sur un nouveau projet qu'on va mettre en réalisation pour une découverte au parc du château au mois d'août. D'accord. Je pense que ça sera plutôt fin août parce que toute la structure n'est pas faite. D'accord. Et là, ça sera pour venir démonter des objets, des panneaux, pour se défouler en cassant des objets, des panneaux, et aussi bien les enfants que les adultes. La thérapie du cassage. Voilà, c'est ça. Alors après, je me suis un petit peu renseigné et en fait, ça vient d'une méthode du Japon. Ah d'accord. Au Japon, ils font ça. Et je crois qu'il y a une société à Paris qui le fait. D'accord. Au Japon, ils ont besoin de... Non, je crois qu'au Japon, ils savent qu'ils ont peut-être... l'être humain a une colère en lui, d'accord, a une énergie, et qu'on pourrait la... La transformer. Ouais, moi je pense que s'il y en avait eu le jour du mondial, ma sculpture, elle n'aurait pas été cassée. Bah tu m'étonnes. Ouais. Ça aurait été mieux. Il faudrait des trucs libres d'accès, que les gens puissent y aller sans ouvert à tout le monde. Ouais. Ouais. Du coup, toi, tu as conçu comme une espèce de cage, comme un espèce de... Voilà, ring, une cage qui fait à peu près 4 mètres sur 4, sur 2,50 mètres de haut. Et du coup, recouvert de bâches, et on sera en sécurité avec des gants, avec des visières, et peut-être même des chaussures de sécurité, on va voir encore, on sait pas. D'accord, voilà. On vous retrouverez ça fin août pour lever le mystère, et si vous avez envie, eh bien, par curiosité d'aller voir ou par besoin, eh bien, vous serez les bienvenus. Oui, on vous accueille. Ça, c'est sympa. Comme quoi, eh ben, voilà, même quand on a un petit inconvénient dans un projet, parfois, il peut se tourner positivement, ça, c'est sympa. Oui, oui, oui, c'est vraiment, vraiment très positif parce que ça m'a permis de rebondir sur cette idée-là et elle est en train de me nourrir parce que mon projet vélo, là, maintenant, je le contemple. Eh ben oui. Donc, je suis en train d'être nourri par autre chose. Eh ben ça, c'est plutôt sympa. Alors, il faut toujours que tu passes d'une idée à une autre. Non. Il y a des temps morts quand même. Oui, oui, il peut y avoir des temps morts. Enfin, en même... morts, entre guillemets. Ouais, oui, oui. Mais c'est souvent les gens qui veulent que je passe d'une idée à l'autre. Souvent, les gens. D'abord, pour ce projet vélo, j'avais pas fini que les gens me disaient alors, tu fais quoi, ton prochain projet? Ah oui. Je lui ai dit, je vais continuer à le vivre un petit peu, j'ai pas fini de mettre les sculptures. Mais ça avait déjà fait la même chose avec mes casseroles. D'accord. Les casseroles n'étaient pas finies, les gens me disaient, c'est quoi ton prochain projet? Et on peut remonter à même plus loin, quand j'habitais Chantraine, j'avais 13 mètres de trottoir, de petits jardinets à côté du trottoir, et là je faisais des sculptures, je faisais des montages, j'avais fait plein de choses, j'avais fait 4 mètres cubes de bouchons en liège, j'avais fait 4 sculptures. Et les gens, le projet n'était pas fini, que les gens me disaient, alors c'est quoi le prochain? Et là, je les regardais, genre, je vais le vivre pleinement et puis je vais attendre un peu. Ils sont impatients. Alors, ils sont impatients, soit, mais c'est peut-être moi aussi qui ai cette structure-là à l'intérieur de moi qui m'attire des gens pour qu'ils me disent, alors, tu fais quoi de nouveau? Ouais, ouais, c'est ouais. Peut-être moi, au fond de moi, qui n'arrête jamais, en fait. Voilà, ça te motive, du coup. Ouais. Ça te motive. Alors, tu as toujours eu en toi un peu cet esprit d'artiste récupérateur. Tu vois, tu prends des choses qui existent déjà. Alors, depuis que je fais de la peinture, donc depuis maintenant 30 ans, ouais. Oui, voilà. Mais avant, je n'étais pas artiste. J'étais cuisinier, donc je n'étais pas du tout artiste. D'accord. Je ne savais pas ce que c'était le monde artistique. Mais depuis que je me suis lancé dans la peinture, oui, j'ai vraiment toujours travaillé avec le rejet des autres, avec les objets qui sont mis à la poubelle et tout. C'est rare que... Ouais, non, oui, tout le temps, en fait. Voilà. Puis je suis aussi, j'amasse beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Donc du coup, il faut que tu trouves un... Je le retrouve, autrement je remets à la poubelle. Ah, ça peut m'arriver des fois de ramasser des choses pendant un an, puis de ne pas faire les choses, puis de le mettre à la poubelle, puis deux jours après de me dire, ah, c'est maintenant que j'ai l'idée. Ah mince. Du coup, ça tombe dans les mains d'un autre artiste peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Alors pourquoi cette envie, ce besoin un petit peu de prendre des objets qui ont déjà eu une première vie? Ouais, je crois que c'est facile déjà, ouais. Pour moi. C'est facile parce que l'objet est déjà fait et j'ai plus qu'à le retravailler différemment. Et puis je crois que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Donc du coup, j'ai pas vraiment de réponse. Eh ben, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, ouais, non, j'ai... Ouais, ça va être le côté... Bah, c'est là devant moi, c'est visuel, je pense. Parce que j'aime les objets. Ah bah oui. Ouais. J'aime les objets, j'aime les remettre dans des moments... je crois que j'aime l'accumulation. Un jour, j'ai vidé une maison d'une personne qui était, qui était partie, décédée. Et la personne gardait mais tout. Ouais. Et en fait, je crois que c'était une personne qui était artiste, qui ne s'était jamais découverte. Ah ben bah voilà. Ouais. Bah ça, c'est un beau compliment, dis donc. Ouais. Du coup, pour en revenir à tes sculptures en vélo, on peut les retrouver à plein d'endroits différents. Hein. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu leur as toutes donné un nom? Alors non, pas toutes. Pas toutes. Parce qu'à la base, je ne donne pas de nom. D'accord. À la base, c'est je fais des choses sans forcément donner un nom ou sans donner une intellectualisation. D'accord. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis la photo de celle qui est sur le rond-point de Balébin. Il y avait juste un mât. Ok. Et j'avais posté cette photo-là sur ma page Facebook. Ouais. Et j'ai un copain qui m'a dit, oh, on dirait un pole dance. Alors, je lui dis non, c'est pas un pole dance. Je lui dis c'est pour une sculpture où ça va être un empilement de vélos. Et en dessous, il y a une copine qui a marqué ah oui, je penserais à un pole dance. Et puis mon copain, je l'ai appelé. Puis je lui dis mais tu me fais chier et tout. Ouais, parce que souvent des fois avec les copains, on peut se permettre des gros mots, dire des choses quand on est au téléphone. Il me dit ouais, mais tu vas être un homme public là. Il faut que les gens ils aient. Je dis ah non, va te faire voir. Tu mens. Voilà. D'accord. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit ouais, il a peut-être raison. D'accord. Et donc du coup je suis parti sur des noms de choses un peu comme ça. D'accord. Celle que sur le rond-point c'est œuf de dragon et là c'est pole dance et donc pole dance E et pole dance sans E pour pole dance garçon et fille. D'accord. Voilà. Après il y a celle qui est à la rotonde, elle s'appelle Fédodo. D'accord. Parce que c'est peut-être la seule qui est un peu représentative d'une forme un peu d'une bête un peu extraterrestre ou qui est dans l'eau comme ça. D'accord. Après c'était étape 1, étape 2, étape 3. OK. Mais il y a eu étape 1 pour une sculpture et étape 1 pour une autre sculpture. Ah bah voilà. Parce que je me suis un peu mélangé mais parce que j'ai pas trop fait attention et ça fait partie de moi aussi. Les compressions c'était pas pressé 1, pas pressé 2, pressé 3, pressé 4. D'accord, voilà. Bah voilà. Parce que je ne voulais pas appeler compression. D'accord. Parce que je ne voulais pas prendre ça de César. César. Voilà. On garde, on laisse à César ce qui est à César. Voilà, c'est hein ça. Il y en a une qui est en forme pyramidale avec des pneus en bas et puis une espèce de chevelure au-dessus. Là, c'est... Alors celui-là, bah, c'est un... J'ai Cyclo l'Allemand qui m'a aussi donné beaucoup de vélos et beaucoup de guidons. Mm-hmm. Et donc, il m'a amené un coup un stock de guidons. Il m'a dit, tiens, j'en fais plus rien, t'en feras ce que tu veux. Et du coup, bah, j'ai fait une structure. Donc ça, c'est soudé sur un extincteur, sur un mât. Et tout le tour, c'est une structure en bois. Et j'ai recouvert la structure de bois avec des chambres à air, en fait. D'accord. Voilà. Eh ben, dis donc, il y en a même certains particuliers qui se retrouvent avec un vélo sur leur balcon. Ah oui. Alors celle-là, en fait, c'est donc, comme m'avait demandé Hervé Poirat de lui mettre des vélos sur les barrières. Ouais. Le matin, et je suis allé lundi matin, donc à 7h du matin, hein, de bonne heure pour pas avoir toute la circulation. Ouais. Et je mettais donc ces Place Pinault, donc les barrières qui longent la rue, la Place Pinault. Et je mets mes barrières et j'ai une dame qui ouvre en face, qui ouvre ses volets, qui ouvre sa fenêtre, qui fait « Oh, Toff Blanc !» et tout. « Oh, ben c'est sympa, vos vélos. Mais j'ai été voir votre expo aussi au Bailly et tout. Oh, j'adore ce que vous faites, Toff Blanc. » Bon, je me fais un peu de pub, merci. Mais elle était vraiment comme ça, vraiment genre « Ah, oh, c'est Toff Blanc, sympa et tout. » Puis elle me dit « Oh, vous mettez des vélos. Oh, c'est vraiment génial. » Je la regarde, puis je dis « Vous en voulez un sur votre balcon ?» Elle me dit « Oui. » J'ai pris une échelle, je suis allé mettre un vélo sur le balcon. Ben voilà. Voilà. Moi, je suis assez spontané comme ça, en fait. Donc, c'est du coup, ça qui est bien. Quand j'en ai mis dans la rue des États-Unis, j'ai un copain photographe, il me dit « Ah, sympa, tu mets des vélos ?» Je lui dis « T'en veux un ?» Je suis allé lui en mettre un. Ah ben voilà. Et puis j'ai un magasin qui m'a dit « Je peux venir vous demander un vélo, je prends le culot. » Je lui dis « Bah allez-y. » On lui dit « Bah venez boire un coup là. » On les installe. Ça, on a bu un coup et puis je lui ai donné un vélo pour sa vitrine. Ça c'est sympa. Alors voilà. Du coup c'était des vélos tout simplement peints que tu oui, leur donnais. Oui, c'était des vélos que j'avais peints pour mettre, voilà. Et donc du coup comme j'en avais en plus, voilà, j'ai filé. Eh ben voilà. Vous saurez tout encore une fois sur le vélo. En tout cas cette fois-ci ce sera par rapport aux structures que Toff Blanc a conçues et eh bien pour cette édition du cyclotourisme du 5 au 12 août. Voilà. Voilà, et je remercie la communauté de communes et Hervé Poirat. Eh ben voilà. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs avant la fin de cette émission ? Eh ben oui, je voudrais remercier parce que les compressions m'ont fait vraiment vibrer. Donc je crois que je voudrais remercier donc Derichebourg, événement de Golbey. D'accord. Un grand merci qui m'est laissé faire des compressions. Ah oui, voilà. Celle-là tu t'en rappelleras. Hein. Ah ben là c'est vraiment un cadeau pour ma vie artistique. T'en garderas quand même. Tu t'en es fait une, tu as dit, mais là tu vas en garder. Dans les grosses, non, les grosses vont aller sur le parcours La Voie Verte. Ouais. Elles vont normalement toutes les sculptures vont repartir sur la voie verte à partir de septembre. Une fois que leur fin de vie sera arrivée à ces sculptures, tu Je vas sais les... pas, on verra. Ah d'accord, ça sera peut-être voilà, recyclé ou... Ouais, peut-être les faire ailleurs, on les appellera, je sais pas. J'ai des copains ferrailleurs, ils les répondront. Eh ben écoute, Toff Blanc, merci beaucoup d'être venu par merci. Ici pour nous faire un coucou et nous parler. Ah ben, ça m'a fait plaisir. De ces fameuses structures que l'on retrouvera un petit peu partout là où tu as dit. On remettra un petit peu tous les lieux avec le podcast de cette émission qui sera présente sur notre page Facebook et notre site internet. Et puis pour les couches tard, c'est comme tous les jours, cette émission sera rediffusée à minuit. Okay, voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toi. Bye plein bye. De bonnes choses. Un très bon projet pour plus tard. On ne te presse pas. Hein. Surtout, prends ton temps. Profite de vivre ouais. les choses pleinement comme tu aimes le faire. À tous nos auditeurs, eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. Hein. Et puis, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours. Bonheur, joie et rire à tous. The weather call. The weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up.